ratoui, café, noël, soleil. Pas même v'lé éclairer. Et si on suit, j'y mets en moins. Ça qui s'éteint ou qui est trop loin. L'amour qu'a 20 ans pour moi, pour vous, c'est pas qu'a fait rien. C'est pas qu'a fait rien. Et tout j'aimerais j'ai blessé. On dit il faut essayer ou que vrai. Ça qui marche. Si l'amour a fatigué et qu'elle vont jamais malmener. Chercher un côté pour décider. Pour payer avancer. Avancer. Même si nous sans l'amour nous pas rien. Même si nous glisser, nous pas jamais tomber. Sans l'amour nous pas rien. C'est pour vieille des saisons. Pour se vivre avec un poison. J'aimerais nous dire l'amour. Même si pour vieille des saisons. Soit l'amour de tous. Même si nous glissons, pas jamais tomber. Sans l'amour nous pas rien. Même si nous glissons, nous pas jamais tomber. Pour tout besoin l'amour, j'ai besoin l'amour de tous. Pour tout goûter pour ça. Aussi, chérie. C'est pour vieille des saisons. L'amour, l'amour. Pour nous servir avec un poison. Faut pas servir avec un poison. C'est pour vieille des saisons. A quel goût mais pour ça. Pour nous servir avec un poison. A quel goût mais pour ça, chérie. A quel goût mais pour ça, ça, ça. Avec un poison. Où j'ai baissé soudé. Pour l'amour la paix.